On s'en va rejoindre Raymond Poirier. Il n'est pas avec nous en studio, mais il est quand même avec nous au bout du fil pour sa chronique technologie de l'information. Salut Raymond. Salut Michael. Alors aujourd'hui, on parle d'un projet cher à Denis Coderre, une ville intelligente pour Montréal. Exactement. En fait, on est un peu à la deuxième étape de nos discussions et de nos suivis qu'on fait en chronique autour de Montréal, ville intelligente et numérique. Dans la mesure où il y a quelques mois de ça, on avait parlé des orientations stratégiques qui avaient été effectuées par Montréal en lien avec une vision qui avait été lancée par les élus, par des consultations auprès des entrepreneurs, des citoyens, des analyses de ce qui se faisait ailleurs. Donc, ils en étaient arrivés avec des orientations stratégiques. Et là, il y a ça quelques semaines à peine, ils nous sont revenus avec donc leur plan d'action. Donc, maintenant, on a eu des grandes orientations. Donc, maintenant, on sait qu'est-ce qu'on va faire de manière plus précise avec un plan de match là, sur 3 ans. Donc, quand même des projets qui sont tous basés sur relativement court terme, en termes d'action, en termes de réalisation. Donc, peut-être qu'en cours de route, on aura droit à un second aussi plan d'action et orientation stratégique pour aller au-delà de 2017 environ. Et donc, c'est un rapport qui est présenté en 6 points. Quels sont les 6 grands thèmes? Alors, on parle, en fait, ça fait écho, au bout du compte, aux orientations stratégiques qui s'étaient lancées. Donc, premièrement, en fait, on parle notamment du sans-fil, donc Internet sans-fil public. Ensuite, il y a aussi, et on y reviendra, sur l'accessibilité à des réseaux grande vitesse, le créneau économique, les questions de mobilité, de démocratie et de services publics numériques. Pour ce qui est du sans-fil, ben c'est un peu, dans le fond, là, vraiment, on est sur des projets quand même assez court terme. L'idée, c'est, au départ, de dynamiser, si on peut dire, l'accès au sans-fil, le déployer sur l'ensemble des infrastructures municipales intérieures d'emblée. Ensuite, d'essayer de déployer sur les artères commerciales puis dans certaines zones urbaines. Donc, on parle du secteur du Palais des Congrès, quartier des spectacles, dans le Vieux-Montréal, cité du multimédia, quartier d'innovation, centre-ville, Mile End. Donc, les grands secteurs. Et au niveau des artères, ben, c'est Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Saint-Denis et l'avenue Mont-Royal. Donc, sur lesquels on voudrait, donc quand même, ça sur un relatif court terme, là, moins d'un an pour certaines zones comme Palais des Congrès, quartier des spectacles, entre 1 et 3 ans pour la balance. Donc, essayer de déployer un sans-fil public et essayer en même temps d'unir aussi l'ensemble des initiatives avec une expérience harmonisée, donc le même portail d'entrée, même accès, même visuel, donc pour essayer de bien promouvoir un peu ces éléments-là. Mais évidemment, on peut pas se targuer d'avoir un accès Internet très large si on se borne au sans-fil. Donc, il y a l'idée aussi d'augmenter la vitesse de connexion de l'ensemble des Montréalais, ou du moins les possibilités de vitesse, évidemment. Donc, on parle de l'installation d'un réseau optique qui est pas optimisé pour l'instant, qui pourrait l'être beaucoup plus, et d'essayer de s'assurer que jusqu'au bout des lignes, si on peut dire, eh ben le service est à vitesse satisfaisante. Donc, ce qu'on veut, c'est un peu comme à Québec, d'ailleurs, en fait, avec des mesures ou des initiatives qui ont été mises en place, bon, on imagine en collaboration avec le privé, donc essayer d'accélérer le déploiement de la fibre optique à domicile, éventuellement d'avoir aussi un guichet unique pour les télécommunications urbaines, donc pour justement avoir une meilleure connaissance de du type de réseau qui est disponible sur le territoire, donc au niveau des abonnés, au niveau des entreprises également. Donc ça, c'est beaucoup là le cœur de la première phase, donc l'accès au web, rendre le web disponible. Donc voilà, ça c'est un premier aspect qui quand même, je pense, est assez de base. J'imagine qu'on va plus loin que ça. Oui, bien évidemment, c'est ça, ça reste de base. Bon, quand on parle de mettre en place des services justement en lien avec la ville intelligente, reste que ça respecte un peu les schèmes qui sont souvent mis de l'avant. Donc l'idée qu'il faut mettre en place les infrastructures. Une fois que les infrastructures sont mises en place, qui sont en mesure de supporter ce qu'on va leur proposer, ben là, on continue de développer et on enrichit. Un très, très gros créneau, c'est le troisième de la série, le créneau économique de la ville intelligente. Ça, c'est extrêmement large. En fait, à la limite, ça aurait pu avoir 2 ou 3 subdivisions facilement. Donc là, on parle vraiment, et ça semble être la lancée principale pour les projets de 1 à 3 ans, voire au-delà. Donc, l'idée de faire de Montréal une ville de l'innovation, si on peut dire. Donc, on va essayer de mettre en place des défis d'innovation, donc des événements collaboratifs pour aborder les problèmes de Montréal. Donc, je fais un peu l'expérience avec des consultations citoyennes en lien avec les applications de déneigement, par exemple. Donc, de poursuivre un peu ces initiatives-là et d'offrir aussi la possibilité aux employés dans les entreprises de proposer à leurs entreprises dans le contexte de programmes qui seraient appuyés, si on peut dire, par la ville de Montréal. À ça, on veut aussi favoriser le développement d'un écosystème de start-up. On sait actuellement, quand on regarde un peu la façon dont se font l'innovation dans les grandes villes américaines, reste que c'est beaucoup justement par les entreprises en démarrage que ça se passe. C'est elles qui ont peut-être la capacité de plus facilement, changer le mode de fonctionnement, le mode de réflexion des systèmes. Et évidemment, sur certaines, il peut y avoir aussi une croissance quand même assez fulgurante. Alors, toutes les villes qui se développent d'un point de vue technologique veulent miser sur les entreprises en démarrage. Donc, du côté de Montréal, à l'image de Québec, encore une fois, donc on veut mettre en place, dans ce que c'est un accélérateur, donc d'innovation autour de la ville intelligente. On veut rendre la ville disponible pour servir de banc d'essai, donc aux entreprises liées justement aux technologies, donc créer des laboratoires d'innovation publique, offrir des programmes de prototypage. On peut pas l'image aussi, encore là, je fais beaucoup de parallèles parce qu'il y a quand même des similitudes. Même si Québec, elle, ne s'est pas dotée d'un plan officiel de ville intelligente, il y a déjà dans ces mesures-là des choses qui viennent d'éclore, comme l'accélérateur d'entreprise. Il y a des programmes aussi, comme l'idée de prototypage qui existe depuis déjà quelques années. Alors, il y a quand même des parallèles à faire. Et eux, ben, veulent évidemment, à travers ça, du côté de Montréal, donc développer un vecteur d'économie numérique qui serait appuyé par les données ouvertes de la ville, qui serait appuyé par des événements nationaux et internationaux, et qui serait appuyé de manière un peu plus large par une mise en disponibilité, là on arrive au quatrième point, aux mise en disponibilité des données urbaines. Donc de manière un peu plus large, si on dit, regardez, on veut que la ville puisse servir de laboratoire, mais encore faut-il avoir des données disponibles pour intéresser des entreprises à utiliser justement ces données-là pour amorcer justement des travaux de type laboratoire. Alors, ce qu'on vise de ce côté-là, c'est de rendre disponible l'ensemble des données de mobilité en temps réel, de mettre en place des systèmes de transport intelligents avec ces données-là ou d'amener l'entreprise à les mettre en place. Et tout ça dans l'objectif de supporter, dans le fond, des solutions qui, à terme, évidemment, au bout de tout ça, sont aussi au bénéfice des usagers. Donc, on parle d'autobus, par exemple, l'idée de pouvoir suivre les parcours en temps réel. Évidemment, l'idée aussi avec les cartes puces de pouvoir la renouveler en ligne. Donc, des choses quand même relativement de base, d'avoir des taxis intelligents aussi. Donc, pouvoir suivre le trafic en temps réel, donc avec ce qu'on appelle le géotrafic, donc collecte de données sur les entraves, la congestion, les états de service, le transport collectif, développer des mécanismes de partage et d'échange qui seraient supportés soit justement par la STM ou les sociétés de transport, qui seraient supportés soit par une plateforme 511 enrichie du côté de Montréal, avec aussi des initiatives qu'on souhaite mettre en place ou voir mettre en place en lien avec le stationnement. On a parlé quand même il y a quelques semaines. Encore là, c'est une tendance lourde. C'est un peu les premiers éléments qu'on développe dans beaucoup de villes. Donc, l'idée de mieux savoir où se stationner, pouvoir savoir les stationnements qui sont libres en temps réel. Donc, c'est beaucoup, quand on parle des créneaux de mobilité, des créneaux d'économie, donc ce sur quoi aussi on va s'orienter de ce côté-là. Donc, quand même, ça aussi, ça semble favoriser tout ce que l'industrie des startups. Donc, ça favoriserait ça pour que ça aille close à Montréal. Exactement. Et tu me diras peut-être, Michael, le citoyen dans tout ça. Oui. Ils ont réservé un petit point qui est un peu aussi, je dirais, un point un peu fourre-tout, d'une certaine façon, qu'on a appelé démocratie participative. Et là, c'est l'idée, au départ, justement, de libérer les données municipales. Donc, on parlait de données de transport tout à l'heure. Donc, évidemment, cet accès-là, mais de manière plus large, donc à d'autres types de données pour lesquelles justement, il y a déjà utilisation qui est faite par la ville, donc dans le principe des données ouvertes. Donc, l'idée de les redonner à la communauté. Donc, ça, on met ça dans l'idée de démocratie participative. Donc, l'idée que le citoyen va pouvoir être en mesure soit d'avoir accès à des éléments pour amorcer des projets, ou va avoir accès aux données pour veiller aussi sur la bonne conduite de l'administration municipale. Donc, il y a toujours une idée de transparence un peu qui vient dans ces éléments-là. Dans ce cas-ci, Montréal propose de rendre disponibles des données, notamment aussi sur les contrats qui vont être alloués, sur le budget, sur la sécurité publique, différents indicateurs de performance. Et l'idée, c'est que ces éléments-là, pour la plupart, en fait, sont peut-être déjà disponibles, mais de les rendre disponibles de manière différente, de manière un peu plus dynamique, peut-être de manière un peu plus facile d'usage, soit pour développer des applications, soit pour les consulter. Et à travers ça, on se dit, puisque les gens vont être mieux informés, vont avoir accès à tout l'ensemble des jeux de données sur la ville ou l'ensemble des jeux de données qui sont accessibles dans un contexte de respect de la vie privée, évidemment, mais peut-être qu'ils vont avoir envie d'un peu plus s'impliquer dans la sphère des services municipaux. Et parallèlement, on leur propose aussi un mode de dépôt en ligne de pétition plutôt que ce qui est fait actuellement. Donc, ça reste quand même assez limité. On sent vraiment que l'administration a beaucoup plus développé sur le côté de la mobilité, donc gestion du trafic, et aussi sur le créneau économique, principalement, et sur l'accès aux infrastructures sans fil plutôt que la balance, donc pour ces trois premières années. Mais il faut dire, à leur défense, que c'est aussi dans le respect de ce qui est ressorti dans les sondages, donc dans les consultations qu'ils ont menées, c'était vraiment fait, on veut que vous régliez les problèmes de transport, c'est le dossier, la priorité numéro un pour Montréal. Et en ce sens-là, ben, le plan d'action se fait aussi l'écho de cette perspective-là, plutôt justement que de développer d'autres types de pans de démocratie participative. Et je pense, en terminant, il y a deux petits autres aspects qui ont été déposés dans ce rapport. Exactement, on parle de services publics numériques, donc essayer de reformer un peu le site web de la Ville de Québec, avoir un multiplateforme, pouvoir offrir une expérience usager un peu plus intéressante, accès sur mobile avec des fonctionnalités de paiement, encore là, un peu comme il se fait à Québec avec les stationnements près de livres dans les bibliothèques et le reste. On peut essayer de penser à donc une réorganisation un peu du service web et éventuellement de pouvoir prendre l'ensemble de ces services-là et d'offrir ça sur un portail Ville de Montréal qui inclurait dans le fond l'ensemble des informations nécessaires, que ce soit info-neige, info-remorquage, recharge de puces en ligne. Donc l'ensemble des services, dans le fond, liés à l'appareil municipal de Montréal qui puisse être regroupé sur une même page, que ce soit mobile, web ou autre, ou tablette, évidemment. Donc, c'est un peu ce qui semble ressortir aussi autour de ça. Évidemment, c'est aussi, je le rappelle, le plan pour les trois premières années. À ça était lié aussi la mise en place du Bureau de la Ville intelligente de Montréal, qui, lui, va superviser l'ensemble de ces projets-là. On va voir, évidemment, dans trois ans, mais de quelle manière on va avoir réussi à mettre tout ça en place. Et dans quelques années ensuite, ben, les impacts de la mise en place de tout ça. Oui, en espérant qu'un jour, que ce soit Montréal ou Québec, on soit à côté de Singapour dans les prochains palmarès. Oui, effectivement. Raymond Poirier, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Parfait. Merci, Raymond.